بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، Longe à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous a octroyé ces assises durant lesquelles on se conseille mutuellement la vérité, la patience et l'endurance. Et il n'y a aucun doute que les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala nous concernant sont nombreux. Et on doit, frère en Allah subhanahu wa ta'ala, faire attention à notre vie et au temps qui passe très vite. Le mois de Ramadan, comme s'il a commencé hier. Et nous voilà maintenant à plus de 15 jours sont passés de ce mois. Et chacun de nous doit s'arrêter avec lui-même et faire les comptes avec lui-même et se dire qu'est-ce que j'ai fait durant ces 15 premiers jours du mois de Ramadan. Où j'en suis? Est-ce que ça a été un butin pour moi ou j'étais négligent? Est-ce que je me suis occupé comme il se doit des prières nocturnes, de la lecture du Coran et de toute œuvre qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée? Et celui qui trouve que il a été bien, il doit persévérer dans cette voie et augmenter et ne pas tomber dans la fainéantise. Et celui qui a été négligent, il doit se rattraper avant que le mois ne se termine. Et avant aussi de se retrouver dans sa tombe, parce que ce qui va nous servir, ce sont les œuvres qu'on aura accomplies durant cette vie. Il n'y a que ça qui pourra servir. Les bonnes œuvres qui ont été accomplies dans la sincérité et dans le suivi du messager, alayhi salam. Revenons à notre sujet, qui est le Coran, qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce noble Coran qu'Allah a révélé à son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce noble Coran qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, a de nobles caractéristiques. C'est le dernier message du souverain subhanahu wa ta'ala. Le dernier message du souverain du monde, pour le monde des jeunes et pour le monde des humains. C'est la noble parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ça c'est la conviction des gens de la sunna et de ceux qui sont unanimes sur la sunna. Donc le Coran est le livre qui scelle les livres d'Allah révélés, qui scelle les livres d'Allah subhanahu wa ta'ala qui ont été envoyés avant ce livre. Ce livre, qui scelle les livres d'Allah, il a été révélé à celui qui scelle la prophétie. Après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a plus de prophète. C'est le sceau final des religions. C'est le plus grand des miracles. Et c'est le miracle éternel. C'est la preuve éclatante par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a fortifié les croyants, tout comme il a promis à ceux qui s'y attachent, le bien de ce bas monde et celui de l'au-delà. Le Coran a fait l'objet de la plus grande attention des premières générations de cette communauté et ceux qui les ont suivis à la perfection. Aucun livre n'a fait l'objet de plus d'attention que ce Coran, qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Les savants de la communauté digne de la voix de nos pieux prédécesseurs, d'Allah alayhim, ont divergé sur l'étymologie du terme le Coran. Certains sont d'avis que le Coran est un nom propre et ne divide d'aucun terme. Ils disent la parole d'Allah révélée à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il ne dérive pas du verbe lire, iqra, ou qara'a, lit. Mais c'est un des noms du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala au même titre que la Torah et l'Évangile. Ceci, c'est l'avis de l'imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala, wa askawnahu fasiha jannatih. Le Coran, qui commence par Sourate al-Fatiha, et se termine par Sourate al-Nas, parmi ses nobles caractéristiques, c'est que sa récitation est un acte d'adoration, que ce soit en prière ou en dehors de celle-ci. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui lit une seule lettre du Coran se voit inscrire une bonne action, et la bonne action sera multipliée par 10. Je ne dis pas Alif, Lam, Mim est une lettre. Ce sont là les lettres qui se trouvent au début de certaines sourates. Je ne dis pas Alif, Lam, Mim est une lettre. Mais Alif est une lettre, Lam est une lettre, et Mim est une lettre. Le hadith, il est authentique, il est chez Tirmidhi et d'autres. Et tu remarqueras, frère en Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'il y a à peu près une vingtaine ou plus de sourates qui commencent avec ces lettres. Parmi les buts de ces lettres, comme le signalent certains hommes de science, c'est pour défier les Arabes. En leur montrant, ce sont les lettres qui composent votre langue, dans laquelle vous êtes éloquent et que vous maîtrisez. Il est votre nature. Alors, ramenez un Coran semblable à celui-là. Ce sont des lettres parmi les causes et les buts de ces lettres au début des sourates, c'est le défi. Et ce défi, il est pour l'humanité entière jusqu'à la fin des temps. Et il est pour les génocides. Depuis que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ce Coran. Et jusqu'à la fin des temps. Il y a, dans le Coran, il y a des textes qui clarifient les mérites de certains sourates et incitent à la récitation de celles-ci. Il y a certains textes dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam qui nous clarifient sur les mérites de certains sourates et sur les mérites et les récompenses qui découlent du fait de réciter ces sourates. Tel le Fatiha, la vache, la famille Al-Imran, le Kahf, le Mulk et d'autres. Les trois dernières sourates du Coran, Qul huwallahu ahad, Qul a'udhu birrabbi al-falaq, Qul a'udhu birrabbi an-nas, le verset Al-Kursi, hein, le Fatiha qui est la grandiose sourate du Coran, sans la récitation de celle-ci, la prière, et nul, et non accepté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, aucune prière n'est valable sans la récitation de la Fatiha. Le hadith, il est rapporté par l'imam al-Bukhari ou l'imam muslim. Le Coran, parmi ses caractéristiques, c'est que ce Coran, il est exempt de toutes sortes de falsifications. La falsification ne peut pas s'y immiscer. Impossible de le falsifier. Il est impossible que le faux s'y immisce. Pourquoi? Car il est protégé par Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, contrairement aux autres révélations. Qala subhanahu wa ta'ala, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. La traduction approximative du sens du verset nous dit, c'est nous qui avons descendu le Coran et c'est nous qui le préserverons. Contrairement aux autres livres dont la garde a été donnée aux savants de ces communautés. Et partant de là, comme ce sont des humains qui sont traversés par des passions, par des délires, par des buts personnels, il y a eu la falsification. Qala subhanahu wa ta'ala, إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ. Il est dit dans la traduction approximative du sens du verset, nous avons révélé la Torah contenant la guidée et la lumière sur la base de laquelle les prophètes soumis à Allah ainsi que les savants divots et les rabbins jugés entre les juifs ceci conformément au livre d'Allah dont la garde leur était confiée et dont ils étaient témoins. Regarde, notre verset, nous avons descendu le livre, nous le préservons. Ici, la garde y confie à des humains. Hein? Mais dites, frère en Allah, subhanahu wa ta'ala, la force de ce noble Coran, préservé par Allah, subhanahu wa ta'ala, et médite ce qui s'est passé pour la Torah, pour l'évangile, dont la garde a été confiée aux hommes, d'où la nullité. Il a du prix de certains qui appellent à l'unicité des religions. Sur quoi on va se baser sur cette unicité des religions? D'où le faux et le mensonge de dire les religions abrahamiques. Dans le Coran, il y a le monothéisme. La voix d'Ibrahim, alayhi salatu wassalam, était la hanifia, le monothéisme pur. Les autres livres ont été falsifiés par le Coran. Et dans lequel on se retrouve avec certains qui adorent l'Uzair, d'autres qui adorent la Trinité, et j'en passe. Comment on peut être à pied d'égalité les contradictions? Le Coran a été descendu pour que le culte soit réservé exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Les autres livres aussi au départ, mais ils ont été falsifiés et on se retrouve avec du politisme. Comment maintenant ici à certains et comment la raison humaine accepte de mettre les contradictions à pied d'égalité? Ils ne l'acceptent pas au niveau du mondain. Comment ils l'acceptent au niveau de ce qui va prévaloir à la personne, le bonheur dans ce bas monde et la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le delà? Cela nous prouve que certains qui appellent à ce genre d'union et ce genre de rapprochement ont perdu la raison. Hein? Ils ont perdu la raison, ils n'ont plus de discernement. Et comme on dit certains savants, y a-t-il des marchés où se vendent les raisons pour qu'ils les achètent à ceux-là? Mais malheureusement, la raison est un bienfait minallah subhanahu wa ta'ala, il comble avec qui il veut parmi ses serviteurs. Et ceci, ce n'est pas, et si la personne a été guidée, et il est dans une clairvoyance dans sa voie, dans sa religion, il ne faut pas qu'il soit un but de lui-même. Il faut qu'il reconnaisse, il faut qu'il reconnaisse cela, Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'il soit reconnaissant à Allah subhanahu wa ta'ala. En mettant en application ce que veut de lui Allah subhanahu wa ta'ala avec preuve, espérant les récompenses d'Allah, et en s'abstenant de ce que Allah subhanahu wa ta'ala interdit, avec preuve, en ayant peur du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il ne faut pas que la personne soit imbue de lui-même parce que personne n'est à l'abri de la déviance. Personne. Certains qui ont été imbus de lui-même, d'eux-mêmes, ont dévié. Je vous cite l'exemple d'un qui détenait la science, qui avait de la science, au milieu des hommes de science, à notre siècle et à notre époque. Né en 1967 à Riyad et mort en 1997 dans la ville du Caire, au début de sa vie, il défendait le monothéisme. Il avait des écrits très forts et percutants contre le Rawafid, contre les adorateurs de tombes. À la fin de sa vie, il est devenu un des plus grands athées, un des plus grands ennemis de l'islam. Et il est mort athée. Donc il ne faut pas que la personne... On est faible. C'est pour ça que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné de demander à Allah subhanahu wa ta'ala tout le temps de raffermir notre cœur dans la religion. « Ya muqallib al-quloubi, thabbit quloubana ala dinik. » La division est très facile. Hein? Du jour au lendemain, on a laps de temps très court. La personne change. Et tout est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les caractéristiques du Coran, c'est que le Coran est exemple de toutes sortes de contradictions. Impossible qu'on y trouve des contradictions. Ceux qui y trouvent des contradictions, c'est dans leur raison qu'il y a dans leur esprit qu'il y a la contradiction. Mais ceux qui sont dignes de la voix de Mohammed alayhi salam et de ceux qui les suivent à la perfection, n'y trouvent aucune contradiction parce que les textes qui leur paraissent ambigus vont les ramener et les comprendre à la lumière des textes qui sont clairs. Et ils vont se référer à la parole du messager alayhi salam, à la parole des nobles compagnons radhiyallahu alayhim et de ceux qui les ont suivis à la perfection, et ils trouveront qu'il n'y a aucune contradiction dans le Coran. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit cela: afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghayri Allah lawajadu fihi ikhtilafan katira. La traduction approximative du sens du verset nous dit: ne médite-t-il pas sur le Coran? S'il provenait d'un autre qu'Allah, il y trouverait maintes contradictions. Et donc, il vient d'Allah, et on le confirme avec certitude qu'il vient d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il n'y a aucune contradiction. Le Coran est inimitable. Personne n'est capable de ramener une composition d'un mérite égal à une sourate ou d'un verset du Coran. Et le défait depuis l'envoi de Mohammed alayhi salam est là pour les humains et pour les jeunes jusqu'à la fin des temps. قال سبحانه وتعالى أم يقولون افتراه قل فأتوا بصورة مثله. Il dit dans le verset, mais ils disent que Mohammed a inventé le Coran. Réponds-leur, produisez donc une seule sourate semblable et demandez l'aide de qui vous pourrez en dehors d'Allah. Hein? Impossible. Et parmi les caractéristiques du Coran, il est facile à mémoriser. On a des gamins de 10-12 ans qui ont terminé la mémorisation du Coran par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. En tout lieu, en tout temps. Ceci n'a pas été réservé à une période, hein, encore de nos jours. Et cela prouve que ce Coran, il est facile à mémoriser. Pourquoi? Parce qu'il a été décrit ainsi par Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَقَدْ نِيَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَعَلْمِنْ مُدَّكِّرِ. Le verset nous dit, dans sa traduction approximative du sens du verset, nous avons facilité la lecture et la méditation du Coran, est-il quelqu'un pour en tirer exhortation? De nos jours, on entend des histoires véridiques de femmes qui ont atteint l'âge de 50 ans et qui se sont attachées à apprendre le Coran et qui l'ont mémorisé. Plus que ça, ils ont maîtrisé les voies et les sorties des lettres. Hein? Et cela prouve, hein, la noblesse et la puissance de ce Coran. Et parmi les caractéristiques du Coran, c'est qu'il prévaut sur tous les livres précédents. Tous les livres qui ont été révélés, khlas, il les a clôturés. Il est le dominateur. Et il témoigne sur ses livres. Qala subhanahu wa ta'ala, وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ. Il est dit dans le verset, nous t'avons révélé le livre avec la vérité pour confirmer et prévaloir sur les livres révélés avant lui. Pour prévaloir sur les livres, pour les confirmer et prévaloir dessus. Nous t'avons révélé le livre avec la vérité pour confirmer et prévaloir sur les livres révélés avant lui. Juge entre eux d'après ce qu'Allah a révélé et ne suis pas leur passion en t'écartant de la vérité qui t'a été parvenue. Tu remarques ici, frère en Allah, subhanahu wa ta'ala, a remarqué ici l'importance de la maîtrise de la langue arabe. Et que pour accéder réellement à la signification réelle de ce noble Coran, il est obligé de s'atteler, qu'on s'attelle à maîtriser cette langue du Coran, et la langue de la Sunna, et la langue du messager alayhi salam. Regardez ce terme muhaymin, dominateur si on veut, qui veut dire à la fois, il a plusieurs significations, le terme contient beaucoup de sens. Il veut dire à la fois que le Coran est garant et qu'il est témoin et qu'il domine tous les livres précédents. Tout ceci est contenu dans ce terme. Dans son exégèse, l'imam Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, dit, après avoir énuméré les différentes significations du terme muhaymin, que ces significations, il a dit que ces significations sont proches l'une de l'autre, mais le terme muhaymin englobe toutes ces significations. Le Coran authentifie donc les livres précédents et les témoins de leur authenticité. Il prévaut sur eux. Allah a fait de ce Coran, a fait de ce livre sublime par lequel il a clôturé les révélations, le plus complet, le plus glorieux des livres. En effet, il a rassemblé dans le Coran tout ce que les écritures précédentes contenaient de meilleur, en y ajoutant des enseignements propres à lui, c'est-à-dire propres au Coran. C'est pour ça qu'il en a fait le livre témoin, chargé d'établir l'authenticité des écritures précédentes, et qui prime sur ces dernières. En outre, le Très-Haut, subhanahu wa ta'ala, s'est chargé lui-même de préserver son livre de toute altération et de toute falsification. Les qawli azza wa jal, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. C'est nous qui avons fait descendre le rappel et c'est nous qui le préserverons. Fin des paroles d'Ibn Kathir, rahimahullah. Et ceux-là, c'est un parmi ceux à qui Allah, subhanahu wa ta'ala, a comblé de la compréhension du pur prédisseur d'Allah alayhim. D'où l'importance de son exégèse, et qui est une référence pour les hommes de science et pour cette communauté. Et parmi les particularités du Coran, c'est qu'il est véridique dans ses informations, équitable dans ses lois. Véridique dans ses informations, équitable dans ses lois. قال سبحانه وتعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. Il est dit dans la traduction approximative du sens du verset: la parole de ton Seigneur s'est accomplie en toute vérité et en toute justice. Nul ne peut modifier ses paroles et il est celui qui entend et qui sait tout. Subhanahu wa ta'ala. Ibn Kathir, rahimahullah, rapporte que Qatada, un tabi'i qui a appris chez les nobles compagnons, radhiallahu alayhim, Qatada a dit: ces paroles, c'est-à-dire les paroles du Coran, les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, sont la manifestation de la vérité et ses décrets, la manifestation de la justice. Allah est donc véridique dans ce dont il nous informe et il est juste dans ses commandements et ses lois. Tout ce dont il nous a informé est vrai, sans l'ombre d'un doute. Tous ces commandements sont empreints de justice, en dehors de laquelle il n'y a pas de justice. Et tout ce qu'il a interdit est un mal, car il n'interdit que ce qui est nuisible. Il n'interdit que ce qui est nuisible. قال سبحانه وتعالى يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. La traduction approximative du sens du verset nous dit: il leur ordonne le bien, il leur interdit le mal, leur rend licite les bonnes choses, leur interdit les mauvaises, et les libère des charges et des carcans qui pesaient sur eux. Fin de citation des paroles de Ibn Kathir, rahimahullah. Les histoires citées dans le Coran sont véridiques. Ils ne sont d'aucune manière les fruits de l'imagination. L'histoire de Moussa avec Pharaon a vraiment eu lieu. قال سبحانه وتعالى طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. طاسين ميم. Voici les versets du livre manifeste, c'est-à-dire clair, qui dévoile la réalité des choses. Nous te récitons en toute vérité une partie de l'histoire de Moussa et de Pharaon, à l'intention de ceux qui croient. L'histoire de Nuh aussi est une réalité. Et cette histoire de Nuh te montre l'aberration de la division de l'histoire en Occident. L'âge de pierre, l'âge de Kada, l'âge de... Vous mettez Nuh, alayhi salatu wassalam, était un entrepreneur à lui tout seul. Il a fabriqué un arc, un très grand arc, dans lequel il y a eu toutes les espèces, un couple de chaque ou deux couples de chaque espèce qui existait. Où est-ce qu'on peut rentrer cette période de l'histoire et l'histoire de Nuh dans la composition qu'ils ont fait de l'histoire? Hein? Voyez un petit peu l'aberration. Les histoires, que l'histoire des humains est une histoire qui s'oriente selon les convictions de l'homme qui l'a écrite, ou celui qui la ramasse, celui qui l'analyse, et ainsi de suite. Mais là, dans le Coran, tu te trouves avec la vérité de l'histoire et la réalité de l'histoire. Aussi, l'histoire de Youssouf, alayhi salatu wassalam, l'histoire des gens de la caverne, et toutes les histoires qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, nous a annoncées dans le Coran sont réelles et véridiques. Ils sont là pour prendre la leçon et pour faire attention à ne pas tomber dans ce qui leur a prévalu du châtiment. Hein? C'est pas les histoires que pour faire dormir des enfants. Il était une fois à Babel-Oued. Hein? Abadan akhal islam. Qala azza wa jal, inna hada lahuwa al-qasasul haqq, wa ma min ilahin illa Allah, wa inna Allah lahuwa al-azizul hakim. Il est dit dans la traduction approximative du sens du verset, ce récit est l'unique vérité, c'est-à-dire concernant Isa alayhi salatu wassalam. Et tout de suite arrive, c'est quoi cette vérité? Même dans le message de Isa alayhi salatu wassalam. Ceci est l'unique vérité. Il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. Allah est le puissant et le sage. Hein? Et ça, c'est le message de Isa alayhi salatu wassalam aussi, et de tous les prophètes alayhi salatu wassalam. Et parmi les caractéristiques du Coran, c'est qu'il réunit les besoins de ce bas monde et ceux de l'au-delà. Dans le Coran, il y a tout ce dont a besoin le monde des djinns et le monde des humains, telles les croyances, les adorations, les lois, les bonnes valeurs, la politique, l'économie, le social, toutes les exigences de cette vie sont dans le Coran. قال سبحانه وتعالى وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. La traduction approximative du sens du verset nous dit: recherche plutôt à travers ce qu'Allah t'a accordé la demeure dernière, sans oublier ta part d'ici-bas. Sois bienfaisant comme Allah l'a été envers toi, et ne cherche pas à semer la corruption sur terre, car Allah n'aime pas les corrupteurs. Regarde comment il oriente vers les deux choses, les choses éternelles dans l'au-delà et aussi ceux qui vont te servir dans ce bas monde. وقال عز وجل وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. Il est dit dans le verset: il n'y a point de bêtes sur terre ou d'oiseaux volants de leurs ailes qui nous forment comme vous des communautés. Nous n'avons rien omis dans le livre. Puis, c'est vers leur Seigneur, lui seul, qu'ils seront rassemblés. Rien n'a été omis dans ce livre. Le Qurtubi, rahimahullah, nous dit, concernant « nous n'avons rien omis dans le livre », c'est-à-dire dans la planche préservée sur laquelle est inscrit tout ce qui surviendra. D'autres hommes de science nous disent qu'il s'agit du Coran. Tout ce qui concerne la législation, la religion, le Coran le mentionne d'une façon détaillée et explicite, ou de façon générale, dont on apprend les détails par la sunna du messager alayhi salam, et l'unanimité des savants, digne de la voix du messager alayhi salatu wassalam, de ses nobles compagnons et de ceux qui les suivent à la perfection. Ça veut dire que tout ce qui est général dans le Coran, il est détaillé dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Hein? Prends par exemple le verset dans lequel il y a eu l'interdiction de certaines bêtes, et parmi elles, le sang. La consommation du sang. Bah viens. Hein? Le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, et il éclate ce général, il en sort certains individus, comme, hein, la foi et la rate du sang. Ceci du sang. Donc, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a rendu licite la foi et la rate. Et donc, ce qui est général dans le Coran, il y a son explication de la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Prends par exemple, quand le verset, il est descendu, الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِمَانَهُمْ بِظُلْمٍ, ceux qui ont cru et qui n'ont pas mélangé leur foi avec une injustice, ceci a été très difficile pour les nobles compagnons. Ils ont dit au messager d'Allah, qui n'a pas commis de désobéissance? Pour eux, ils ont compris tout de suite l'injustice par la désobéissance. C'est-à-dire être injuste avec soi, c'est d'avoir transgressé les lois d'Allah, d'avoir commis des péchés, et ainsi de suite. Et il leur a dit, alayhi salatu salam, ce n'est pas ce que vous avez compris. N'avez-vous pas entendu la parole de Luqman, hein, qui a dit, inna shirka la dhulmun azim. Le polythéisme est une énorme injustice. Et on peut pas séparer le Coran de la Sunna. Impossible. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a avertis contre une secte à son époque qui n'existait pas, qui existe de nos jours, qui a vu le jour il y a à peu près 2 siècles, en Inde, qui sont le Coraniyoun. Disent-nous, on prend juste ce qu'il y a dans le Coran. On dépasse pas le Coran. Hein? Et si vous dépassez le Coran, si vous dépassez pas le Coran, alors comment vous allez prier? Où est-ce que vous allez trouver trois rak'at de l'Maghreb, deux à haute voix et une à basse voix. Quatre de l'Isha, deux à basse voix et deux à haute voix. Quatre de l'Asr, quatre de Dohr, deux pour le Fajr et ainsi de suite. D'où vous allez le trouver? Les détails de la zakat, la même chose. Hein? Les détails de la sunna de l'Odo, où? Les détails du pèlerinage. Hein? Je ne veux pas. La révélation, elle est composée de deux choses. Le Coran et la sunna. Et ce qui a été donné au messager, alayhi salatu salam. Les deux, ils ont été donnés au messager. Il faut savoir aussi, frère en Allah, subhanahu wa ta'ala, que le consensus considéré dans la communauté, c'est le consensus dit digne de la communauté. Le consensus des éclatés des Ikhwan n'a aucune valeur. Ou celui de Rawafid n'a aucune valeur. Celui de Khawarij n'a aucune valeur. Hein? Le seul consensus qui est considéré dans la communauté, c'est le consensus des savants dignes de la voix de Mohammed alayhi sallatou salam, de ses nobles compagnons, de ceux qui les suivent à la perfection. Il faut savoir que le consensus, ce qu'on appelle aussi l'unanimité, son origine et sa base, c'est la parole d'Allah et l'authentique de la sunna. Il sort pas de là. Il n'est pas en contradiction avec. Abadan. Qala azza wa jal, wa nazzalna alayka al-Qur'ana tibyana li kulli shay'in wa hudan wa rahmatan wa bushra lil mu'minin. Il est dit dans le verset, nous t'avons descendu le Coran comme un exposé clair de toutes choses, un guide et une miséricorde, et une bonne annonce faite aux musulmans. Faites soumis à Allah, subhanahu wa ta'ala. Tabari, rahimahullah, dans son exégèse, nous dit que, ô Muhammad, ce Coran qu'on t'a révélé est un éclaircissement sur toutes choses, pour que tu expliques aux gens ce qu'ils ont besoin de connaître, comme les sites, comme illicites, les récompenses, les châtiments, et c'est un guide contre l'égarement, une miséricorde pour celui qui y croit, il le met en application, ses ordres. Une miséricorde pour celui qui y croit, il le met en application ses ordres, il s'abstient de ce qu'il a interdit. Et c'est aussi une bonne annonce pour les soumis à Allah, qui lui réserve le culte exclusivement. Ils auront une noble rétribution le jour dernier et jouiront de beaucoup de faveurs. Fin des paroles de Tabari, rahimahullah ta'ala. Et parmi les caractéristiques du Coran, il a un impact très fort sur les âmes des humains et sur le djinn. Son impact est puissant. À l'époque de la révélation, le Coran a eu un impact très fort sur beaucoup d'idolâtres, dont les cœurs ont été attendris par le Coran et ils ont embrassé l'islam. Rien qu'en écoutant la récitation du Coran par le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou par l'un de ses compagnons. Et combien de personnes à notre époque ont embrassé l'islam, tout simplement en entendant la récitation du Coran. Et cela nous prouve l'impact puissant du Coran. Et comme il dit l'impact qu'il a eu sur le djinn. Qala azza wa jal, quluhiya ilayya annahu istama'a nafarun min al-jinn faqalu inna sami'na qur'anan ajaban yahdi ila ar-rushd fa'amanna bih wa lan nushrika bi rabbina ahada wa innahu ta'ala jaddu rabbina ma ittakhadha sahibatan wa la walada. Regarde, c'est un pacte qu'il a eu sur le djinn tout de suite. Ils se sont soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont pris sur lui-même de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. La traduction approximative du sens du verset nous dit, dis ô Muhammad, dis, il m'a été révélé qu'un groupe de jeunes ont écouté la récitation du Coran. Et ils ont dit, dire la récitation de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont dit ensuite à leur peuple, nous avons entendu la lecture d'un livre merveilleux qui guide vers la droiture. Nous y avons cru et nous ne donnerons jamais plus aucun associé à Allah, notre Seigneur. Notre Seigneur, que Sa Majesté soit exaltée, ne s'est donné ni compagne ni enfant. Regardez comment tout de suite, ils ont rejeté tout ce qui s'adore en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. En une assise, où ils ont entendu la récitation du Coran par le messager alayhi salatu wassalam. Beaucoup d'idolâtres ont été impressionnés à l'écoute du Coran. Le Walid ibn al-Mughira exprime cette impression en disant, par Allah, personne parmi vous, c'est-à-dire parmi les Arabes de son époque qui étaient en face de lui, parmi vous n'a la connaissance que j'ai de la poésie et de la prose humaine et celle du djinn. Par Allah, ce que récite Mohammed, ce n'est pas de la poésie, ni de la magie, ni les délires d'un fou. Ce qu'il récite, c'est la parole d'Allah. Sa parole est douce et il est bellement couronné et il a toujours le dessus et aucune parole n'est à sa hauteur. Et ceci est relaté dans la biographie du prophète alayhi salatu wassalam. Et parmi les caractéristiques du Coran, celui qui apprend le Coran, qui l'enseigne, qui le met en application et qui l'enseigne aux gens, est le meilleur d'entre eux. Est le meilleur de l'humanité. Hein? Ceci est prouvé par la parole de celui, du véridique qui n'a dit que la vérité. Dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, rahimahullah, il a dit, le meilleur d'entre vous est celui qui a appris le Coran et l'enseigne aux autres. Dans l'autre hadith, rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim, le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui excelle dans sa lecture, c'est-à-dire dans la lecture du Coran, sera avec les nobles anges qui ne font qu'obéir à leur Seigneur. Celui qui le lit avec difficulté aura deux récompenses, c'est-à-dire la récompense de la difficulté et la récompense de la lecture. Et le hadith, il est rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim. Et parmi les caractéristiques du Coran, c'est que c'est un guide et un annonciateur des bonnes nouvelles. Qala subhanahu wa ta'ala, inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. La traduction approximative nous dit, ce Coran guide vers la voie la plus droite et annonce aux croyants qui accomplissent les œuvres pieuses qu'une immense récompense leur est destinée. Et parmi les caractéristiques du Coran, le Coran apporte à celui qui y croit, celui qui le lit et qui le médite, la sérénité, la quiétude, il raffermit la certitude, il lui raffermit sa certitude. Les croyants savent que c'est l'un des plus grands miracles qui apporte la quiétude et la certitude à leur cœur. Qala subhanahu wa ta'ala, alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah. Ala bi dhikrillah tatma'innu al-qulub. La traduction approximative du sens du verset. Ceux qui croient et dont les cœurs s'apaisent à l'évocation d'Allah, et c'est par l'évocation d'Allah seul que s'apaisent les cœurs. Et bien sûr, l'évocation la plus forte, la plus élevée et le summum de l'évocation, c'est le Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les caractéristiques du Coran aussi, c'est que la majorité des sourates de ce noble livre appellent au monothéisme, appellent au fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit cela dans la première sourate, le Fatiha, « Iyaka na'budu وإياك نستعين. Près de toi, toi seul, à toi seul nous réservons le culte et auprès de toi seul nous cherchons l'aide. Et médite cela dans les trois dernières sourates. Commence par le monothéisme et finit par le monothéisme. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ. Dis qu'il est l'unique et le seul qui mérite l'adoration. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ. Dis, je me refugie et je cherche la protection du souverain de l'aube qui se lève. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. Je cherche la protection du souverain des gens. Hein? Et donc, dans la première sourate et dans les dernières sourates, le monothéisme est clairement clarifié. Hein? Et ceci dans toutes les sourates du Coran. Parce que tout le Coran est dans le monothéisme, comme l'ont clarifié les hommes de science. Médite cela dans sourate al-Jinn. قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا. Et dans l'autre verset, وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُو مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. La traduction approximative de ces deux versets, dis-leur, je n'adore que mon Seigneur et je ne lui associe personne. Dans l'autre verset, les mosquées sont vouées à l'adoration exclusive d'Allah, n'y invoquez donc personne en dehors d'Allah. Et parmi les caractéristiques du Coran, le Coran est la base et la source de la science bénéfique et de la législation islamique. Allah l'a révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour faire sortir les gens des ténèbres de la mécréance et des ténèbres du polythéisme et des ténèbres de l'ignorance et des ténèbres de l'injustice vers la lumière de la foi, vers la lumière du monothéisme, vers la lumière de la science bénéfique et vers la lumière de l'équité. قال رب العزة سبحانه وتعالى ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. La traduction approximative du sens du verset nous dit, les lettres Alif, Lam, Ra, ceci est un livre que nous te révélons, afin que par la permission de leur Seigneur, tu fasses sortir les gens des ténèbres vers la lumière. Sur la voie du Tout-Puissant, du digne de louange. Et parmi les caractéristiques de ce noble Coran, le noble Coran nous informe sur les événements futurs qui ne peuvent être connus que par la révélation. Effectivement, Allah subhanahu wa ta'ala nous a annoncé la défaite des idolâtres dans la bataille de Badr avant que la bataille de Badr n'ait lieu. قال عز وجل سيهزم الجمع ويولون الدبر. Leur coalition sera bientôt mise en déroute et ils fuiront, et ceci avant que la bataille n'ait lieu. Et comme il nous a annoncé des choses avant que cela ne soit prouvé par les études scientifiques, comme l'évolution des fœtus et d'autres choses. Parmi ces caractéristiques, la lecture du Coran ne commence pas comme n'importe quelle lecture. On ne peut pas ouvrir le Coran et commencer comme ça. Mais par le fait de demander la protection d'Allah Azza wa Jal. Parce qu'il a ordonné de le faire, subhanahu wa ta'ala. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Il est dit dans la traduction approximative du sens du verset, lorsque tu veux lire le Coran, demande la protection d'Allah contre Satan, contre Satan le maudit. Et parmi les particularités du Coran, l'obligation de l'écouter attentivement quand il se récite et d'observer le silence au moment de sa récitation, que ce soit dans la prière, en dehors de la prière, et cela conformément au verset qui nous dit وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. La traduction approximative du sens du verset nous dit « Lorsque le Coran est récité, écoutez-le attentivement et observez le silence afin qu'il vous soit fait miséricorde. Hein? » Afin d'avoir la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'où le mauvais comportement qu'on a des fois dans la voiture, on met le Coran et on discute, comme si c'est un fond d'ambiance. Abadan akhal islam. Le Coran, tu le mets dans la voiture, khlas. On doit se taire. Ou alors, si on veut discuter, on arrête. C'est pas un fond d'ambiance. Abadan. Il a été descendu pour qu'on l'écoute attentivement. Tabari rahimahullah nous dit ce qu'il faut retenir de ce verset qui nous ordonne le fait d'être attentif à l'écoute du Coran. Il a dit quand le Coran est récité, écoutez-le attentivement pour comprendre le sens de ces versets et observez le silence pour méditer dessus afin que votre Seigneur vous fasse miséricorde. Fin des paroles de Tabari rahimahullah. Les caractéristiques du Coran sont nombreux. Notre messager a dit, dans le hadith authentique rapporté par Al-Hakim et par d'autres, « Je vous ai laissé deux choses, après quoi vous ne vous égarerez pas si vous vous y attachez, le livre d'Allah et ma sunna. Ils ne se sépareront qu'après être présent devant moi, après être présenté devant moi, quand je serai près du bassin, c'est-à-dire le jour de la résurrection. » Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne de quoi? De nous attacher au Coran et à sa sunna. Et écoute, regarde cette force qu'a le Coran, et regarde l'impact qu'il a sur la communauté, et regarde comment personne n'a pu le falsifier ou le modifier. C'est pour ça que ce Coran donne l'insomnie aux ennemis d'Allah. Il leur donne l'insomnie. D'où leur guerre insistante contre la parole d'Allah et contre l'islam et contre les musulmans. Il ne cesse pas. Ou ce que dit le Premier ministre, Gladstone, le Premier ministre de l'Angleterre, vers les années 1840 par là. Il a dit, pour comprendre la force du Coran et l'insomnie que ça leur donne, et comment ils essayent par tous les moyens de détourner la communauté de ce Coran. Il a dit, tant que ce Coran existera, l'Europe ne pourra jamais dominer la région musulmane d'Orient. Jamais il pourra les dominer. Ainsi, il a dit. Et ça, c'est un ennemi d'Allah. D'où tous ces efforts qui se font par ces minus qui sont à la solde des ennemis d'Allah, Azza wa Jal, qui appellent vers l'unicité des religions. Parce que qu'ils le veuillent ou non, d'une façon directe ou indirecte, ils œuvrent pour l'objectif des ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toutes ces caractéristiques citées et celles qui n'ont pas été citées prouvent que la puissance et la suprématie du monde musulman et dont le fait de se cramponner au livre d'Allah et à la sunna de son messager alayhi salam, selon la voie et la compréhension des nobles compagnons d'Allah alayhim et de ceux qui les suivent à la perfection, et qu'on médite cette caractéristique qui prouve la force et la puissance de la parole d'Allah. قال عز وجل إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. Il est dit dans ce verset, ceux qui ont renié le rappel, c'est-à-dire le Coran, lorsqu'il leur est parvenu, sont voués à la perte, car c'est un livre inattaquable. Le faux ne l'atteint d'aucune part, et il est une révélation émanant d'un sage digne de louange. Il faut être fier d'être soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut être fier d'être guidé par Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut être reconnaissant à Allah subhanahu wa ta'ala par la mise en application de sa parole subhanahu wa ta'ala et de la sunna de son prophète alayhi salatu wassalam selon la voie et la compréhension des pieux prédisseurs d'Allah alayhim et de ceux qui les suivent à la perfection. Et il faut avoir la certitude que le Coran est un livre synthèse qui a clarifié tous les sujets importants dans la vie d'ici-bas et concernant celle de l'au-delà. Il a clarifié les ordres, les interdictions, les promesses, les bonnes rétributions, les mises en garde contre les châtiments, les mises en garde contre le faux et le blâmable. Il a donné de nobles exhortations et de belles paraboles. Il a cité les histoires de ceux qui nous ont précédés. Il nous a clarifié sur les sciences de l'univers, l'événement de la création, les preuves de la résurrection et d'autres sujets importants. Lorsqu'on médite les sujets traités par le Coran, on se rend compte de l'éloquence de ce dernier, de sa finesse, de son harmonie et de sa conformité incomparable. Le début du Coran ressemble à sa fin et ses différentes parties se ressemblent dans leur beauté. Celui qui le lit ne se lasse jamais de sa lecture. Et celui qui le médite n'a aucun doute sur sa véracité. Le Coran accroît la guidée et la foi des croyants. Il est au summum de la cohérence et au summum de la cohésion. Le début du Coran approuve sa fin. L'organisation et le classement des sourates dans le Coran est différente et contraire aux organisations et au classement des autres livres. L'harmonie des versets du Coran et des sourates, dont leur sens, leur style et leurs sujets divers, font du Coran une unité complète qui n'a pas d'égal et une unité parfaite. Et cela confirme fortement que le Coran n'est pas écrit par un être humain. Abadan. Le Coran est un précieux cadeau qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé aux jinns et aux humains. Le Coran, qui est la parole d'Allah, ne renferme aucun défaut, ni une minime contradiction. Ses différentes parties forment un seul sujet. D'où l'importance et d'où le bienfait avec lequel Allah subhanahu wa ta'ala a comblé cette communauté. Par ce livre, qui est la dernière révélation. Et nous devons nous y cramponner. Ainsi que la sunna de son messager alayhi salatu wassalam et prendre la compréhension de cela et sa mise en application des nobles compagnons radhiyallahu alayhim et de ceux qui les ont suivis à la perfection. Et on arrête là, inshallah, pour aujourd'hui. وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بارك الله فيكم واحسن الله اليكم جزاكم الله خيرا.